Paul Aren, une ingénue. Il m'a pourtant été donné de la rencontrer une fois, cette parfaite ingénue, blanche comme un lys ou comme la lune, et surtout, n'ayant point la moindre petite idée de ce que peut être l'ingénuité. C'était en 1870 que l'aventure m'arriva, pendant les jours qui suivirent la déclaration de guerre. Quoique ayant toujours eu quelque éloignement pour cet endroit particulièrement vulgaire, bourgeois et réglementé, qu'on appelle les coulisses d'un théâtre, je me trouvais ce soir-là, du diable si j'en sais le motif, dans les coulisses du théâtre de la Gaîté. On y jouait une féerie en vogue, mais un souffle d'inquiétude venait de la salle, glaçant sous leur costume d'oripeau le falot roi Croquignolet, le prince Pompon d'Or et la fée Azurine. Étonné, je me le rappelle maintenant. J'étais venu pour entendre Teresa, qui, dans un entr'acte, devait chanter la Marseillaise. Elle la chanta, en effet, s'enveloppant d'un drapeau, voix terrible, geste hardi, en idéal vivandière. Mais il ne s'agissait point de la Marseillaise ni de Teresa. La pièce finie, au milieu du remue-ménage des trucs qui roulent et des décors remis en place, et parmi la bousculade éperdue des figurants pressés de partir, je m'attardai, ravi par l'étrangeté du spectacle, à considérer les machinistes en train de dégarnir la roue d'apothéose. Des femmes en maillot, nues à demi et prises dans l'étau d'un corset de fer caché sous le paillon et la gaze, demeuraient en l'air, suspendues, non plus dans une pose gracieuse et figée, mais dans des attitudes abandonnées, dont la lassitude contrastait avec leurs vêtements de rêve. Et lentement la roue tournait, et à chaque tour, quand une des femmes se trouvait rapprochée du plancher de la scène, un robuste gaillard la prenant à deux bras, la soulevait, la décrochait, et la plantait droit sur ses pieds, en échangeant des petits mots, un adieu familier suivi d'un remerciement parfois canaille. Au dehors, sur le boulevard de Strasbourg, s'entendait le pas des chevaux, le bruit des musiques. C'était dans la nuit la garde impériale qui partait. Les machinistes, pour écouter, interrompaient un instant leur besogne. Alors, du haut des cintres, un concert d'imprécations féminines tombait. Deux formidables jurons, partis d'un coin sombre, tout près de moi, me firent retourner la tête. « Nom de... sacré nom de... » disait la voix. Et je m'aperçus, non sans surprise, que cette voix, rendue tremblante par l'émotion et la colère, mais au timbre enfantin, sortait d'un œuf. Oui, d'un œuf en carton, de la taille de ces jarres d'huile où se cachent les voleurs d'Ali Baba, et dont la partie supérieure soulevée en manière de couvercle, comme si quelque géant avait tranché l'œuf de son couteau pour le manger à la coque, laissait voir, non la face barbue d'un brigand arabe, mais une frimousse délicieusement rose, sous les frisures emmêlées d'une perruque jaune serein. Deux petits pieds sortaient de l'œuf et trépignaient, chaussés de brodequins également jaunes. Recueillant mes souvenirs, je me rappelais avoir vu cet œuf animé, défiler à l'acte des oiseaux, et figurait dans le tableau final en qualité de dernier-né, encore mal éclos d'une famille de canaris. « C'est gros comme de liards de beurre, » fit un garçon de théâtre qui passait, « et c'est méchant comme le diable. La paix, mademoiselle Culot, ton tour va venir. » Mais ceci ne calma pas mademoiselle Culot, et je m'approchai pour lui offrir mes services. « C'est bien simple, monsieur. Vous n'avez qu'à me déboucler, là, derrière le dos. Ces costumiers sont d'un bête. » Comme s'il ne pouvait pas s'arranger pour qu'on ouvre de l'intérieur. J'avais déjà défait l'ardillon de la boucle, et l'œuf s'ouvrant, une femme, non, moins qu'une femme, une gamine, en sortit. Je m'étais fourré là-dedans tout habillé afin d'être prête plus tôt. Attendez que je cache ma perruque et mes brodequins dans ce journal, et que je remette mes bottines de ville que le pompier m'a gardées. C'est bien heureux tout de même que le régisseur ne me voie pas, sans quoi je serai à l'amende. Changeant subitement de pensée, car il y avait de l'oiseau dans cette petite personne sortie d'un œuf, elle ajouta « En attendant, voici ma choucroute envolée. » Et comme nous descendions l'escalier, mademoiselle Culot m'expliqua que, généralement, tous les soirs, elle allait manger une choucroute à crédit dans un café où elle connaissait la patronne. Seulement, la patronne quittait la caisse passé minuit. J'offris la choucroute qu'on accepta. Tout à fait rassurée, mademoiselle Culot me gazouillait son histoire. Une de ces histoires d'existence naufragée en plein Paris, auxquels les exploits de Robinson peuvent sembler d'assez banales aventures. Pas de père, une mère actrice, ou à peu près. L'aisance d'abord, presque le luxe, puis la mère qui meurt, la misère, et tous les métiers essayés pour réaliser au jour le jour, comme les moineaux de la rue, ce quotidien miracle de vivre. Il y avait eu un premier amant dont Mademoiselle Culot parlait sans rancune. Il était parti, rappelé par ses parents en province, et elle trouvait tout naturel qu'il fût parti. Puis de vagues et amusants souvenirs d'enfance, quelque part du côté de l'abri, dans la maison de sa nourrice morte jusqu'à la première communion. Tout en continuant de payer les mois, maman l'avait comme oublié chez le vieux Gogu, devenu ivrogne en restant veuf. Les petits paysans l'appelaient la Parisienne, et l'on allait, armé de longs râteaux, par les champs tout noirs de corneilles, ramasser le cresson sur le bord des fossés et des fontaines. Il y avait aussi l'école très loin, au village. Il fallait y aller tous les matins, l'hiver en portant sa bûche avec des sabots qui claquaient. La Parisienne perdait toujours son pain en route, et le père Gogu avait imaginé de le lui attacher dans le dos, ainsi qu'un sac de soldats. Un jour, un gros chien sortit d'une ferme et la renversa pour manger le pain. Et comme elle pleurait en arrivant à l'école, la maîtresse lui donna un autre pain, plus blanc que celui du père Gogu, avec du beau miel, en tartine. Alors, toutes les fois qu'elle passait devant la ferme, elle allait chercher le chien dans sa niche et lui offrait son dos pour qu'il mangeât le pain. C'était là le grand souvenir. Depuis, elle n'était plus retournée à la campagne. Une fois pourtant à Meudon, dans une partie d'étudiants. Maintenant, Mademoiselle Culot me racontait ces choses à l'entresol d'un cabaret qui demeurait ouvert toute la nuit près des Halles. Mademoiselle Culot, trouvant qu'il était bien tard après la choucroute et craignant de réveiller sa concierge, avait préféré venir là pour attendre le petit jour et rentrer sans avoir l'air de rien. Le petit jour vint, Mademoiselle Culot souriait en fermant les yeux, à moitié endormie. Tout à coup, « Écoutez, » dit-elle. J'écoutais. Dans le silence du Paris matinal, mille bruits naissaient, très distincts, n'étant pas encore couverts par l'assourdissant brouhaha que fait, quelques heures plus tard, la cohue des passants et des voitures. Sous la fenêtre, un cri monta, plaintif et doux comme une mélopée. « Mourons pour les petits oiseaux !»« Ça, » fit Mademoiselle Culot, « c'est mon petit frère. » Et d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre modeste, mais qui cachait mal un légitime orgueil familial, rouge de plaisir, elle ajouta, « Il n'a pas 11 ans, il a déjà 15 sous par jour. » Ferréol s'était tue, et après demanda quelqu'un, « Après, c'est tout. » Le jour même, je rejoignis mon poste à l'armée, et puis vint le siège, la commune. Que fit-elle, pauvre oiseau perdu, comme tant d'autres, dans la fumée des fusillades et des incendies? Que devint-elle? Je l'ignore. Jamais plus je ne l'ai revue. Mais le destin, il faut l'espérer, aura fini par te payer un fort arriéré de bonne chance. Il te le devait bien, n'est-ce pas, ô Mademoiselle Culot ?